Qui veulent faire mon pain. Et puis me parle en latin. Je la trouve le beau habile de ses mains. Pourtant je m'éloigne du ghetto. J'suis DZ ma chérie, j'suis pas latino. Toute l'année j'étais au Fontel. Et j'fais que l'oseille m'appelle comme Laurent Bouno. Bang bang bang, qui tire sur son cœur. Ouais, bang bang bang. J'suis dans un Dell, flashé sur le périph', porte la chapelle. J'suis dans mon bain. Cigare cubain. Chérie, je te prends la main, j'ai mon pilon monté toute la night. J'compte les billets, Farahani a le compte, donc j'ai caché toute ma maille. Je te fais pas la mala, Audi dans le gage. Bébé, je reviens, y'a des chouves dans les parages. J'ai fuck tous au passage. Ouais, mon passé, patient, ils m'ont pensé. Perso, comme un passeur, quand je retourne à la mosquée, mes péchés prennent de l'ampleur. Ouais.